un petit bout de paradis. Tu sais, ta main, elle ne peut pas tout faire. T'as vu aussi qu'on ne peut pas voir le paradis sur terre. Mon paradis, j'étais au milieu de l'affiche comme je l'avais rêvé. J'étais au milieu de l'affiche et c'est toi qui l'as créé. On ne peut pas s'y faire. Et on ne peut pas s'y faire. On ne peut pas s'y faire. J'étais au milieu de l'affiche et tu m'as embarqué. Juste un baiser sur la joue, ouais c'est ça mon paradis. J'étais au milieu de l'affiche comme je l'avais rêvé. J'étais au milieu de l'affiche et c'est toi qui l'as créé.